café. Je sais plus, j'ai confus. Est-ce que je devrais pousser un petit peu à gauche ou un petit peu à droite? J'ai tout confus. Yeah.